Nouvelle troisième, l'avare Dupé ou l'homme gros d'enfant. Le sot juge, dont je vous entretiens hier, me fit échapper l'occasion de vous conter une aventure de calandrin que je désirais de vous apprendre. Quoique nous ayons souvent déjà parlé de lui, tout ce qui le concerne est si plaisant que je ne crois pas vous déplaire en vous en parlant encore. Vous connaissez son caractère et celui de ses compagnons. Il est inutile de vous les retracer de nouveau. Je vous dirai donc, sans autre préambule, que mon héros, devenu possesseur d'une somme de 200 livres par la mort d'une de ses tantes, se crut un des plus riches particuliers d'Italie. Il se mit en tête d'acheter une métairie. Il n'y avait d'homme dans Florence qui pût lui donner des renseignements sur un achat de cette nature qu'il ne consulta. Eût-il eu 10 000 écus à y employer, il n'eût pas fait plus de démarches et n'eût pas attaché plus d'importance. Il fut obligé de renoncer à tous les marchés qu'il entama. Le prix se trouvait toujours au-dessus de ses forces. Le brun et Bulfamac, qui éclairaient sa conduite, lui remontrèrent plusieurs fois qu'il serait bien plus sage à lui d'employer son argent à régaler ses amis qu'à une acquisition qui ne lui convenait en aucune manière. Mais leurs conseils n'avaient pas fait impression sur son âme et n'avaient pu l'amener à leur donner un dîner une seule fois. Comme il s'en plaignait un jour, arrive un de leurs compagnons nommé Nello. Délibération sur la manière dont il faudrait s'y prendre pour se régaler aux dépens de calandrin. On convint d'un projet dont voici l'exécution. Le lendemain, calandrin sort de sa maison. Il n'en est pas encore fort éloigné que Nello l'aborde. « Bonjour, calandrin. »« Bonjour, Nello. » Après les premiers compliments d'usage, Nello fixe calandrin avec une attention mêlée de surprise. « Que considères-tu donc ?» dit calandrin. « N'as-tu pas senti quelque chose cette nuit? Tu me parais absolument changé. »« Comment? Que dis-tu? Que crois-tu donc qu'il me soit arrivé ?»« Je ne sais. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas comme à ton ordinaire. Et Dieu veuille que ce ne soit pas ce que j'ai lieu d'imaginer. » Sur ces mots, Nello laisse aller calandrin. Celui-ci, prévenu, inquiet, n'éprouvant cependant aucun mal, rencontre Bulfamac à quelques pas, qui, l'ayant salué, lui demanda s'il ne sentait rien. « Je ne sais. » Nello, que je viens de rencontrer, m'a dit que je lui paraissais tout changé. Serait-il bien possible que j'eusse quelque chose? Si tu as quelque chose, assurément, tu sembles à demi-mort. À ces mots, le brin survint. Ah, calandrin, quel visage as-tu là? On te prendrait pour un mort. Comment te trouves-tu? Ces trois rapports si uniformes, et qui avaient l'air d'être si peu concertés, persuadèrent calandrin qu'il était effectivement malade. Que dois-je faire? Demanda-t-il douloureusement à ses amis. « Si tu m'en crois, dit le brun, tu te mettras dans ton lit. Tu te couvriras bien, tu enverras de ton urine à maître Simon le médecin, qui, comme tu sais, est absolument dévoué à nos intérêts. Il découvrira le genre de ta maladie et t'en prescrira le remède. Nous voulons t'accompagner, et s'il est besoin de te faire quelque chose, nous sommes à ton service. » Nello les rejoignit, et tous trois suivirent calandrin dans sa maison. Dès qu'ils furent arrivés, calandrin dit tristement à sa femme. « Viens, ma femme, viens me couvrir, car j'éprouve une grande douleur. » S'étant couché, son premier soin fut d'envoyer de son urine à maître Simon, qui pour lors demeurait au vieux marché, à l'enseigne du Melon. Il chargea une petite fille de ce message. Le brun alors dit à ses compagnons. « Mes amis, demeurez ici. Moi, je vais savoir la réponse du médecin et je l'amènerai, si cela est nécessaire. »« Ah oui, mon ami, » dit calandrin. « Va savoir toi-même ce que tout cela veut dire. Je me sens du mal par-ci par-là. Cela me donne beaucoup d'inquiétude. » Le brun part, arrive chez maître Simon avant la petite fille, et lui fait part de tout le complot. La messagère entre avec la bouteille d'urine. Le médecin l'examine avec attention. « Retourne, mamie, vers calandrin. Dis-lui de se tenir chaudement. Dans un instant, j'irai le voir. Je lui dirai quel mal il a et quel régime il doit garder pour s'en débarrasser. » La messagère revient, fait son rapport, et un moment après, entre le brun accompagné du médecin, il tâte le pouls du malade et lui dit, en présence de sa femme, « Calandrin, mon ami, si tu veux que je parle vrai, tu n'as d'autre mal que d'être gros d'enfant. » À cette nouvelle inattendue, calandrin désespéré s'écrie, « Ah, ma femme, c'est toi qui m'as mis dans cet état, je te l'avais bien dit. Tu n'as jamais voulu me croire, et malgré mes remontrances, tu as toujours voulu te mettre sur moi et renverser l'ordre établi par la nature. » La femme, qui était très honnête, rougit et quitta la chambre. Mais calandrin continue. « Malheureux que je suis, que vais-je devenir? Que puis-je faire? Comment accoucherai-je? Par où l'enfant pourra-t-il sortir? Je vois bien qu'il faut mourir, et mourir par la rage de cette maudite femme. Dieu puisse-t-il lui faire autant de mal que je me désire de bien? Si j'étais aussi sain que je le suis peu, je me lèverai bientôt, je prendrai un bâton et lui donnerai tant de coups que je la mettrai en pièces. Cependant, si je suis puni, il faut convenir que je le mérite bien. Je ne devais jamais condescendre à ses volontés. Mais si je puis en revenir, qu'elle soit persuadée que je la verrai mourir mille fois plutôt que de la satisfaire à cet égard. Lebrun, Bulfamac et Nello faisaient tous leurs efforts pour s'empêcher de rire. Pour le médecin, il se donnait libre carrière, il éclatait si fort, il ouvrait si largement sa bouche, qu'on eût pu sans peine lui arracher toutes les dents. Enfin, Calandrin eut recours à lui, se recommanda à son art, et le prit instamment de lui donner, dans cette détresse, ses conseils et ses soins. Le médecin lui dit obligeamment « Mon ami, il ne faut pas tant te tourmenter. Grâce à Dieu, je me suis assez tôt aperçu de ton mal pour y apporter un remède aussi prompt qu'efficace. Mais il t'en coûtera un peu. » « Hélas, monsieur, j'ai 200 livres, avec lesquelles je voulais acheter une métairie. Prenez-les, s'il le faut. Je les sacrifie volontiers, pour me tirer de l'embarras où je suis, et pour n'être point dans le cas d'accoucher. Car en vérité, je doute que je puisse soutenir une si terrible opération. J'ai dans ce moment entendu les femmes crier si fort, et n'étant pas conformé comme elles, je vois bien qu'il faudrait en mourir. N'aie aucune inquiétude, mon ami. Je vais te préparer un breuvage très agréable qui, dans 3 matinées, te tirera d'affaire et te rendra plus sain qu'auparavant. Mais dans la suite, sois sage et garde-toi bien de retomber dans tes anciennes folies. Pour composer l'eau que tu dois boire, il faut 1/2 douzaine de chapons gras, et pour les autres drogues qu'on doit y mêler, tu donneras à Lebrun 5 livres. Il les achètera et me fera tout porter dans ma boutique. Je t'enverrai demain matin, s'il plaît à Dieu, cet excellent breuvage dont tu boiras un grand verre tous les jours. « Monsieur, lui répondit Calandrin, je remets tout entre vos mains. » Il donna 5 livres à Lebrun, outre l'argent nécessaire pour acheter les chapons, et le pria de vouloir bien se donner la peine d'en faire l'emplette pour l'amour de lui. De retour chez lui, le médecin fit faire un bouillon qu'il envoya au prétendu malade. Lebrun, ayant acheté les chapons et tout ce qui devait les accompagner, revint avec Bulfamac et Nello. L'on but et l'on mangea l'honneur de Calandrin. Celui-ci prit son bouillon pendant 3 jours de suite. Ses amis vinrent le voir. Le médecin, lui ayant tâté le pouls, lui dit « Calandrin, te voilà absolument guéri. Lève-toi maintenant. Tu peux sortir quand il te plaira. » Le sot se lève, bat ses affaires, court la ville et vante partout la cure merveilleuse que maître Simon a faite sur lui. Lebrun, Bulfamac et Nello étaient charmés d'avoir pu tromper l'avarice de Calandrin, mais la femme de ce dernier, s'étant aperçue du tour, s'en vengea en grondant son bonnet de mari.